Il est midi, je viens de me lever. Ces messages, ces appels, j'ai manqué. A remis de la jack de la veille. Je la fuis, je fais le con, je vais la perdre. Je me dis qu'il faut que je me range. Wife, monnaie, posée dans le ranch. Trop de doutes, perdu dans ma tête. Ce qui me retient, c'est ta gueule dans. Rien plus dans le bloc, elle me dit. Laisse tomber tes potes, elle me dit. Viens, on se barre loin, elle me dit. À te mettre à terre, à deux on fera la une, que si seulement on fait la paix.